carnivore, appelle-moi Mister Hannibal. K-A-Z, animal, pour les frères qui penchent à guitare dans le haram, demande à Samir à qui appartient l'iPhone grand artaf. Pour ceux qui vont dans l'H ou qui vivent des appartements, tu casses le bâtard. Ici pas de camp que des gros frères dans une 106. Demande à un ébile, c'est qui les pilotes de parquet. Et ouais, la mécanique, on est tous sur la rive et on va pas glisser. Même si ça roule en slider, demande à L.I.S. Quitté par la WC, on a les poings serrés par les menottes et en gardable, je connais pas de nom. Et pour carte, tu diras toujours, échec, j'étais sous Polyakov. Je m'installe au mic et je remets tout le monde d'accord. Les mecs qui font la taille, qui balancent pas ma gueule, ils voient une, ils attaillent, les gangsters, les attaillent. On veut juste des billets, ça va les couilles briller. Où est-ce que tu connais? C'est pour les mecs qui font la taille, qui balancent pas ma gueule, ils voient une, ils attaillent, les gangsters, les attaillent. On veut juste des billets, ça va les couilles briller. Où est-ce que tu connais? On court, on tourne comme les gyrophares de la montée au break. On reflète de regard son bleu, et on se crée du sang rouge de haine. On veut pas taffer, c'est vrai, on préfère faire autrement. Des rocas, des villas, des appâts, prends ta part. Brillantly, c'est normal, c'est banal, faire de la caille à notre âge. Il nous traite au rat autant, normal qu'il y a outrage. Monsieur les agents, on a trop d'orgueil, et jusqu'au cercueil, on veut la caisse de l'écureuil. Pour ça, j'irai jusqu'à leur casser les noisettes. T'es pas chier, sinon casse-clé, oui, va s'en charger. Fais les castrer, les MC entre parler. On fait le coup, on prend sa part et il reste qu'à remballer. Après avoir tout découpé, faut très bien emballer. Index, index à la maison d'arrêt. Cousin, si tu te fais péter, faut pas pour qui. Tu te chies, tu devant les villes, si. Ah oui, les mecs qui font de la caille, qui balancent pas ma gueule. Ils voient une, ils racaillent, les gangsters, ils racaillent. On veut juste des billets, ça va les couilles briller. Où est-ce que tu connais? C'est pour les mecs qui font de la caille, qui balancent pas ma gueule. Ils voient une, ils racaillent. On prend des risques, il faut qu'on réfléchisse. Les restes de midis, remplis de vis. Si c'est un easy, on connaît pas de mental Anthony. Les MC sont en mode agonie. Rap, c'est normal, je veux le pardon. Ali, Marébi, Sahoui, Darbida, Trouaël. Tu le sais, mon ami, c'est la danse des skis. Les skis n'ont les mérites comme les civils derrière un erreur. Les plus critiques sont les musulmans. Alors on arrête de parler pour rien. Sahab, maison d'arrêt, gardable, parqué par les cramés. La madresse en larmes, c'est la merde, frère, faut qu'on tire l'alarme. Maintenant ça sort normal la lame. Pas de malade, t'as la grippe. Ah, le gars tu l'attrapes au Dallas. Fais gaffe cousin, quand je rappe je suis à l'aise. On dirait que je pose des scènes sur un coussin. Moi quand je prends le mic, je vous mets tous bien. Pour les mecs qui font de la taille, qui balancent pas ma gueule. Ils voient une, ils racaillent, les gangsters, ils racaillent. On veut juste des billets, ça va les couilles briller. Où est-ce que tu connais? C'est pour les mecs qui font de la taille, qui balancent pas ma gueule. Ils voient une, ils racaillent, les gangsters, ils racaillent. Est-ce que tu connais?